Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! C'est Morgan et on se retrouve pour une nouvelle re-interview en compagnie de... voyance, qu'est-ce qu'elle te dit d'après le cristal? L'été partout. On compte surtout sur le Cossed, hein? Hey, salut! C'est moi! Veuillez tenir vos enfants écartés de cette vidéo, cet homme n'est pas recommandable. Voilà, illustration parfaite. Merci. Et là, t'es vraiment... Alors... Tout ce qui se situe à l'ouest des monts de fer, par là-bas, vers l'anticyclone, non pas du tout. J'ai tout ce qu'il faut, sauf des amis pour jouer avec moi, ils veulent pas. Oui, quelque part, j'ai envie de dire, c'est important. Est-ce que tu peux te présenter, Bourblushk? Je joue des personnages qui me ressemblent, mais souvent ce sont quand même des nés. Bienvenue sur la petite pause JDR. On va aujourd'hui se lancer dans une nouvelle interview, une nouvelle role interview avec deux messieurs qui sont là avec moi aujourd'hui et qui représentent cette formidable chaîne qui est Dice Story. Bienvenue à vous, KFR et Manitou. Comment ça va déjà? Bah écoute, super, impeccable. Et toi? Merci. Moi, ça va. Ouais, ça me fait plaisir. Hein, je vous êtes là, donc déjà, je suis content. Ouais. Bah, et puis, nous, on va parler de nous, donc ça nous fait plaisir. Ouais, donc on est content. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? On va faire plaisir aux gens, tu vois, en plus. Et ça, c'est important. C'est ça. Il faut, en ce moment, on en a besoin de se faire plaisir. Se changer les idées, c'est important. Eh bien, aujourd'hui, j'ai quelques petites questions pour vous. Et on va commencer avec la première, celle que on veut dire, tout le monde a à chaque fois. Dice Story, eh bien. Qui êtes-vous? Celle qu'on n'a pas préparée, c'est bien. C'est celle qu'on n'a pas préparée. On a rempli les blancs de tous les autres, mais pas celle-là. Qui on est? Kiefer et Manitou, voilà, un petit duo sympa qui on fait ce qui nous plaît quand on a envie, parce que ça nous fait plaisir. C'est important. Voilà. Ouais. Tu iras aussi. Super, permet de compléter, je dirais aussi des rôlistes passionnés qui aiment partager ce que nous faisons, ce que nous aimons, et favoriser l'entrée dans le jeu de rôle. Si. C'est vous faites pas ça pour la thune, en fait? La thune, ça vient après. C'est après, oui, c'est vrai. Ouais. Après la vidéo. Mais voilà, c'est effectivement ce qu'on aime, c'est nous sommes des rôlistes qui aimons aussi partager cette passion et faciliter son accès et montrer plusieurs facettes du jeu de rôle. Voilà. D'accord. Eh bien, il a l'air d'accord. Donc moi, ça me plaît. Hein. Tant qu'il est d'accord. Oui, en fait, t'as dit la même chose que moi, mais version améliorée, quoi. Ouais, j'ai rajouté un ou deux mots. C'est ça. Bah, franchement, déjà, enfin, vous avez bien synthétisé l'essentiel. On va dire que bon, que dire de plus, hein. Bah, c'est ça. Voilà. écoutez, on va partir sur la deuxième parce que bon, je pense que je sais pas si vous avez. Plus à dire, On peut parler de YouTube, de Twitter, de Twitch, on peut parler Ah, mais ça, de, ça, ça arrive voilà, dans les autres questions, ça, il y a des autres choses. On fait les jeux. Ah, ok. Ah, du coup, question 2, alors. Question numéro 2, eh bien, qu'est-ce qui vous a fait rentrer dans l'univers du JDR? Alors, ce qui m'a fait entrer dans le jeu de rôle, ça a été d'abord les livres dont vous êtes le héros. Alors, c'est pas du jeu de rôle, c'est du jeu de rôle, on en discutera. Mais quand j'étais jeune, même assez jeune, hein, CE1, j'ai commencé à en lire. Et puis, après la grosse phase jeu vidéo au milieu, c'est les forums roleplay qui m'ont amené dans le jeu de rôle, en fait. Qui m'ont amené après au jeu de rôle virtuel, etc. D'accord. Et toi, Manitou? Eh ben moi, j'étais animateur bénévole dans une MJC pour faire du Magic, et c'est un de mes membres qui m'a dit « Hey, tu connais le jeu de rôle ?» Donc Sébastien, qui était prof de passage, m'a fait découvrir Warhammer V2, la meilleure. Et puis, du coup, on s'est réunis régulièrement, on y a joué, et puis après, il est parti. Et après, j'étais tout seul. Et après, j'ai découvert JDR Virtuel. Moi, je suis arrivé dans le virtuel très très tôt. Et j'en suis pas parti, quoi. Voilà. D'accord. Et donc aujourd'hui, on peut dire que voilà, ça fait partie intégrante de votre vie, un peu tous les jours. Ah oui, c'est dans votre chair, quoi. Un peu tous les jours, ouais. et depuis longtemps, finalement, parce que je te disais, les livres dont vous êtes le héros, j'ai commencé très très tôt, quoi. J'ai peut-être commencé à lire avec, en fait. Et c'était pas fait exprès. C'est juste que... je sais même plus comment j'ai eu le premier, mais je crois que c'est ma mère qui me l'avait acheté. Ma mère qui est un peu geek, hein, sur les bords. Elle était pas... jeu de rôle, elle connaissait pas, mais elle était très geek. Et finalement, c'était un peu un livre-jeu, tu vois. Donc c'était un peu la façon de m'apprendre à lire. Et je me rappelle très bien que mon premier livre dont vous êtes le héros, c'était un CE1, quoi. Et je l'ai encore, d'ailleurs, une histoire de pipe qui a été fait sur divers streams, avec le magicien Merlin et ton compagnie. Et après, j'ai enchaîné pas mal les quasars, les solo quasars, etc. Et j'ai eu un jour un œil noir, un scénario de l'œil noir, un bouquin. Je croyais que c'était un livre dont vous êtes le héros, mais non, c'était un bouquin de l'œil noir. Je l'ai dévoré et j'ai pas compris comment je jouais, en fait. J'ai pas compris pourquoi ça marchait pas comme les autres jeux que j'avais, en fait. Mais j'ai vachement aimé. Okay. C'est vachement cool. Mais je sais pas trop ce que c'était, quoi. Mais finalement, le jeu de rôle, c'est tout, quoi. Sans savoir ce que c'était. Ça, c'est drôle. D'accord. Donc, du coup, est-ce que très vite, ça... Enfin, j'imagine que vous avez dû, comme beaucoup de gens, tomber un peu dans aussi le côté jeu vidéo à cette époque-là, parce que... Même voilà. Avant, ouais. Donc, ça... Est-ce que ça... Est-ce que ça... pris quand même, enfin, est-ce que vous avez su vous mettre autant de place pour le jeu de rôle que le jeu vidéo, ou malgré tout le jeu vidéo avait un peu plus de place que ça? Moi le jeu vidéo avait 90% plus de place, hein, clairement. J'étais à fond dessus, bah, surtout parce que j'étais tout seul, en fait, à la base. Et c'est après, moi le jeu de rôle, j'ai découvert ça quand j'étais en, on va dire, jeune adulte. Ça fait bien de dire jeune adulte. Ouais. Mais avant, non, j'étais à fond sur les consoles, tout seul, dans ma cave. Voilà, je sortais pas, geek à mort, quoi. Et quand j'ai découvert le jeu de rôle, ben, le problème, c'est que t'es dépendant des gens. Donc tu joues pas quand tu veux. Donc du coup, ben, entre le transport, entre les plannings et tout ça, ben, si on arrivait à jouer une fois par semaine un soir, c'était cool. Et le reste du temps, ben, tu fais pas grand chose, surtout quand tu es simple PJ. Donc le jeu vidéo, ouais, là tu joues quand tu veux, c'est rapide. Donc, pour moi, c'est deux loisirs complètement différents, même s'il y a des connexions dessus. Par contre, la chose qui était rigolote, c'est que je me suis rendu compte bien après, quand j'ai commencé à faire du jeu de rôle, c'est que la plupart de mes jeux vidéo préférés, c'était des RPG. Voilà, c'est Tu étais prédestiné. C'est un peu ça. Final Fantasy VII à fond, voilà. Ouais. Ouais. Final Fantasy VIII. Et toi, mais du coup, KFR ? Ouais. Et toi ? Alors moi, du coup, il se trouve que entre, ben, justement, mes jeux de rôle en solitaire, j'allais dire, mes livres dont vous êtes le héros, et ma vraie découverte du jeu de rôle, il s'est écoulé une bonne grosse dizaine d'années, même plus. C'est-à-dire que moi, en fait, le jeu de rôle, j'ai commencé, j'avais 20... Alors si on compte que le forum roleplay, c'est du jeu de rôle, j'ai commencé à 21 ans, quoi, le jeu de rôle. Et avant, j'en avais entendu un tout petit peu parler, parce que j'ai des copains qui avaient fait un petit peu de Donjons et Dragons, mais j'étais pas invité. Donc ça avait l'air cool, mais j'étais pas invité. Et après, jeu de rôle sur table, je me suis intéressé vers 22-23, parce que le jeu de rôle, le RP, forum RP, m'a amené à m'intéresser un peu au scénario, tu vois, aux univers. Et j'ai découvert le jeu de rôle, vraiment comme ça, avec le jeu de rôle magazine. C'est le premier magazine que j'ai acheté pour me renseigner un peu sur le jeu de rôle. J'ai découvert un monde incroyable, quoi. C'est marrant parce que ce soit moi ou Morgane, par rapport au role interview qu'on fait en ce moment, on a eu souvent cette réponse de commencer le jeu de rôle avec des forums roleplay. Alors après, je pense que c'est aussi une génération, parce que forcément, avec un certain âge, c'était ça, en gros, qu'il y avait. C'est vrai que beaucoup de personnes nous ont parlé de ces forums roleplay. C'est incroyable, hein, les forums. Franchement, j'entends ça. C'était une période... c'était une super période. Vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé cette période des forums RP. Aujourd'hui, je suis incapable de rejouer en forum RP parce que ça demande du temps, de l'investissement. Le feu au début, hein, parce que tu découvres, et puis ça devient plat après, parce que les gens n'ont plus le temps de répondre et tout. Mais voilà, j'ai découvert ça, et puis très rapidement, je suis allé ouvrir le mien, quoi. Parce qu'évidemment, quoi, tu, au bout d'un moment, tu... très vite, j'ai voulu être MJ tout le temps. Quoi, c'est, j'ai fait la même chose. T'avais un forum RP, toi ? Ouais, j'avais un forum RP sur lequel je faisais MJ sur Warhammer, Cthulhu et Vampire. Ça se trouve, avec on 3 était... MJ. Ça se trouve, on était concurrents au top 1. Oh, hein, ça risque pas, c'était un format forum privé, moi. Il y avait, on était même pas une dizaine dessus. Donc là, c'est bien. À quoi ça sert de faire des interviews? Parce que même entre eux qui se connaissent depuis un bout de temps, ils apprennent des choses, donc c'est magnifique. Ah, attends, je vais te faire un bout de temps. On te racontera des histoires sur nous, parce que les gens, des fois, ils hallucinent quand on raconte des trucs sur notre relation à nous deux, quoi. Ouais, d'accord. Eh bien... On... Je sais pas si on a un moment donné, on pourra en parler, mais... Bon, si. Les gens veulent savoir, on veut tout savoir. On veut tout savoir. Mais sinon, pour répondre à la question jeux vidéo, oui, si, j'étais énormément jeux vidéo. J'étais RPG et RTS, Age of Empire. Et sur... Alors, faut dire que toute ma vie, c'était JDR, en fait, mais je m'en rendais pas compte. Sur Age of Empire, au collège, je créais des campagnes scénarisées avec Age of Empire 2, avec l'éditeur, que je passais en disquette à d'autres personnes, en fait, à d'autres joueurs. Et c'était des scénarios, c'était avec un héros que tu suivais, en fait, sur plusieurs scénarios, quoi. D'accord. Et je me rends compte à quel point, en fait, ma vie était JDR vraiment beaucoup, Moi, quoi. Par disquette, c'était des cheat codes, hein, mais après, voilà. Non, mais comme quoi, voilà. Vous étiez prédestiné à devenir des rôlistes en puissance. Bah, écoutez, tout est bien qui finit bien. Le jeu de rôle a comblé les vides, en fait, tout simplement, quoi. Le jeu de rôle a comblé les vides de tout ce qu'on aimait ensemble dans un seul média. C'était sur le jeu de rôle, quoi, peut-être aussi. Du coup, je vais rebondir pour la troisième question. Tout ce JDR, mais alors, du coup, quels sont vos jeux de prédilection? Toi d'abord. Mes jeux de prédilection, moi, faut savoir que j'aime un petit peu tout à part L5R. Mon petit péché mignon, moi, c'est les jeux où les PJ incarnent des anti-héros. Donc tout ce qui est Nightcrawler, Blade in the Dark, Cabal, 1%, Brancalonia, tout récent. Mmh. Voilà, tout ça, ce genre de jeu plus que le thème, ça me plaît bien parce que bah, les personnages sont là pour en chier, c'est difficile. C'est pas parce qu'on joue un criminel qu'on est forcément un psychopathe en puissance. Hein, C'est parfois parce que tout simplement on a mis le pied dans l'engrenage et qu'on n'arrive pas à en sortir pour d'autres raisons et tout ça. Donc voilà, moi c'est plutôt ce qui me plaît en fait en tant qu'MJ et puis même en tant que joueur. Après voilà, j'ai le héroïque, j'aime bien aussi par exemple Capharnaüm, fait que je le place. Capharnaüm niveau héroïsme c'est quand même pas mal et j'adore l'univers. Bon, je parle pas des règles hein, mais vraiment le lore, l'univers, les personnages, les idées qu'il y a dessus, je trouve que c'est un jeu fabuleux. Voilà, donc parmi mes préférés, et puis il y a Feng Shui aussi, mais ça c'est un petit à côté ça. Donc du coup c'est vraiment, tes joueurs ils doivent en chier et c'est compliqué de réussir quoi. J'aime bien que les personnages, comme Donjons et Compagnie, je l'ai oublié, mais c'est exactement ça, hein. Les joueurs jouent autre chose que le héros classique en fait, c'est ce qui me plaît. Ils sont dans une posture différente. Ouais. Tu aimes aussi quand les héros sont compétents, mais anti-héros en fait. J'ai remarqué forcément. Que... Bon, Donjons et Compagnie, vous êtes des incompétents. Hein. Ouais, non, quand même. Attends, Brancalonia. En gros, c'est employé, mais pas pour la bonne chose, en fait. T'as l'impression que t'as des skills, mais elles sont pas bonnes pour ce que tu dois faire. C'est ça. La momie royale, elle sert à rien, en fait. Hein. Je suis mathématicien, mais je dois faire de la plomberie. Merde, c'est ça. Non, pas forcément des minables non plus. C'est vrai qu'il peut y avoir des personnages qui sont compétents ou quoi, mais j'aime bien les personnages spécialisés, effectivement. Ça, je trouve que ça apporte beaucoup de couleurs et de relief, que chacun trouve sa place, en fait. Mais ce que j'aime bien, c'est voilà, qu'on joue avec la limite, le côté criminalité. J'aime bien l'univers de la pègre en général, Fairy Noir, tout ça, c'est des jeux qui me parlent. Donc voilà, c'est un petit peu mon dada, quoi. D'accord. Et pour toi, KFR ? Alors, moi, c'est plutôt des styles que des jeux, en fait, que je pourrais citer dans vraiment mes jeux prédilection. J'y réfléchis un petit peu, hein, vraiment, s'il y avait des noms à donner, mais c'est plus des styles. Alors, évidemment, il y a le drama. Les jeux drama, oui, c'est vrai que la réputation, elle n'est pas feinte. Et c'est vrai que j'aime bien les jeux à drama. Alors, à drama, attention... Enfin, attention, non, je vais définir un petit peu ce que j'entends à drama, en fait. Mais le drama, ça peut être aussi bien les relations, comme on l'entend, hein, les relations dramatiques entre les PJ, les PNJ, etc. mais aussi tout ce qui est jeux qui vont proposer des dilemmes importants. En gros, qu'est-ce que ça coûte d'être héros? Moi, j'aime beaucoup les jeux qui posent ces questions-là. C'est qu'est-ce que ça va te coûter d'être un héros? Qu'est-ce que ça va te demander, en fait? Des jeux comme... Masque. Oui, Masque, mais Masque aussi, il a le côté relation, tu vois, vraiment. Mais Knight, par exemple, Knight, c'est pas un jeu drama quand tu vas le prendre comme ça. Mais Knight, il interroge aussi beaucoup sur c'est quoi être humain, c'est quoi les sacrifices que t'es prêt pour sauver le monde, en fait. Moi, ça j'aime bien quand les PJ sont super forts, super puissants, héroïques et tout, j'adore ça, l'héroïsme. Mais j'aime bien aussi quand on se pose la question de c'est quoi et qu'est-ce que ça coûte, en fait. Moi, ça, je le rentre un peu dans le drama, quoi. Donc ça va aussi bien d'Alice is Missing, on va dire, tu vois, pour le côté relationnel, drama, émotion, que le côté héroïsme, quoi, où on questionne beaucoup le héros et sa posture du héros et qu'est-ce que ça demande d'être un héros, en fait. Donc je suis très héroïsme et dramatique, on va dire. D'accord. Donc c'est vraiment pesé sur le côté responsabilité, oui. Sacrifice, le don de soi, parce que finalement on s'oublie pour sauver les autres, voilà. et qu'est-ce qu'on devient nous, quoi. C'est ça, exactement. Après, ça peut être à plusieurs niveaux, parce que t'as le côté Knight où tu dois sauver le monde, et à côté de ça, perdre ton humanité. En gros, voilà. C'était vraiment à deux extrêmes. Mais ça peut être un peu plus dans du super-héros comme Mass, où ça peut être. D'un côté, qu'est-ce que ça te coûte d'être un héros pour aller sauver, pour empêcher le bâtiment de brûler et de sauver les gens. Mais à côté de ça, il y a ta maman qui t'attend à l'hôpital parce que tu devais aller la visiter, tu vois. C'est à d'autres échelles, on est d'accord, mais c'est tout aussi dramatique pour le personnage. C'est sûr. Parce que l'échelle est réduite, mais c'est toujours aussi important pour le personnage. Ouais. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est pour toi, d'Envermine, t'inquiète pas. C'est une bonne chose. Non, mais finalement, ça ouvre sur plein d'univers, quoi. Je suis pas cantonné à j'aime le médecin, j'aime le post-apo, j'aime l'asiatique. Moi, je peux trouver mon plaisir dans plein d'univers de jeux du moment où je peux trouver ça, en fait. Ouais, donc tu humanises le héros, en fait. Tu le rends humain. Ouais, j'aime bien les héros qu'on va mettre dans des situations qui vont lui demander de faire des choix déchirants et qui les rendent très humains. Ouais, voilà, d'accord. C'est ça. Ok. Super. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien l'Empire des Cerisiers, par exemple, parce qu'il y a le côté hyper-héroïque dans du système de jeu, beaucoup plus que L5R, par exemple, mais aussi le côté dramatique qu'on peut avoir du Japon médiéval, quoi. Bon, d'accord. Voilà. Vous préférez plutôt être joueur ou plutôt être MJ? Je préfère être PJ, moi. Je préfère être PJ parce que j'aime bien découvrir, justement, être surpris et puis découvrir le scénario et tout ça. Le problème, c'est que je suis MJ par défaut, parce que tous les jeux qui me plaisent, il n'y a personne pour les masteriser. Donc du coup, c'est ça. Donc les jeux qui me plaisent, je suis MJ dessus. Et puis les jeux que je connais pas, si on m'invite, je dis OK, puis je joue, quoi. D'accord. C'est terrible quand même, parce que c'est dommage. C'est terrible. Et alors, le truc qui est pire encore, c'est quand tu commences à être MJ sur un jeu que tu kiffes, et que tu trouves enfin une partie qu'on t'invite et que c'est le jeu que tu veux jouer, et là t'es déçu, en fait, parce que la vision du MJ c'est pas du tout la tienne. Oui, ça correspond pas à tes attentes. C'est ça. Joueur. Donc, du coup, je pense que je suis trop exigeant peut-être en PJ sur les jeux qui me plaisent, du coup je préfère être MJ dessus. Mais c'est terrible. Ah, c'est un lourd fardeau. Mais... Ouais, j'avoue, franchement. Un lourd fardeau. Non, en plus, c'est vrai, dans le groupe où on joue régulièrement, il y a plein de MJ, en fait, il y a plein. Mais, c'est comme tu disais, c'est le souci des jeux que t'as envie, en fait, de jouer, quoi. Et ça, c'est plus personnel, et c'est pas forcément les mêmes goûts que tout le monde, quoi. C'est vrai. On n'a pas tous plage les mêmes jeux, etc., quoi. Bah heureusement, sinon on aurait tout en double, quoi, c'est chiant. Ouais, déjà, ce serait embêtant, ça coûterait cher, mais ce serait plus simple pour choisir les campagnes qu'on fait, quoi. On se battrait moins, donc, ça serait très long. Et du coup, pour toi, qu'as-tu fait? Moi, c'est MJ. Moi, pour le coup, je préfère être MJ. J'ai beau me dire non, MJ, PJ, j'aime bien les deux, machin. Non, j'arrête de me voiler la face depuis très longtemps. Je crois que je préfère être MJ. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ça se ressent, entre guillemets, j'ai bien la trajectoire que j'ai pu avoir, où finalement, j'ai découvert les forums RP, tout de suite, j'ai voulu en ouvrir un à moi. C'est même pas une question d'égoïsme ou d'égocentrisme, c'est vraiment parce que je voulais donner ma vision et je voulais mener le truc et je voulais donner mes scénars, en fait. J'avais plein d'idées de scénars dans un univers et je voulais les mettre en place et que les gens les découvrent. Et toi, t'aimes bien la découverte, tu disais, Fred, Manitou. Ouais, j'aime bien être surpris, en fait. T'aimes bien être surpris? Moi, j'aime bien voir les gens surpris. Moi, c'est là que je prends du plaisir, c'est quand je vois les gens surpris, tu vois. C'est pas quand j'ai la surprise. D'accord. J'aime bien mettre des trucs en place et qui prennent du sens et que les gens le découvrent. Mais est-ce que aussi le MJ peut être surpris de voir comment les joueurs vont faire ce que tu avais prévu et qu'ils le font totalement différemment et que du coup tu ah ouais, je m'y attendais pas du tout. J'espérais aussi, surtout avec notre groupe, ouais. Oui, c'est général. C'est général. Voilà, t'es malmené en fait. Tu dis ah putain, j'avais vu un truc comme ça et eux ils ont été par là. Ah ouais. C'est ce moment où tu as préparé toute une soirée, un scénario et tout ça, et puis où tu te dis, bon, il est 23h30, les amis, on va peut-être commencer la séance, hein, à l'auberge, il faut sortir maintenant. Et en fait, ils ont fait le jeu tout seul. Et là, effectivement, tu es surpris. Ouais. Tu es surpris les premières fois, puis après, tu t'y habitues. Après, tu laisses faire parce que tu sais que tu ne peux pas lutter. Ouais. Bah, c'est vrai que là, pour dire, de tous les gens qu'on a interviewés, pareil que sur Morgan ou moi, Manitou, tu es la première personne qui dit joueur. Un PJ. Ouais. C'est marrant parce que beaucoup de, quasiment tout le monde, c'est MJ ou alors les deux, mais de façon genre équivalente. Ah, mais là, j'aime vraiment bien être, bien être MJ hein, aussi pour contrôler, puis torturer, faire ce que je veux et tout ça, c'est cool, hein, y a pas de problème. Mais c'est vrai que je préfère un peu être PJ quand même. Ouais. Ok. Non, je dirais à 65%. En jeu, ça donne un truc comme ça. D'accord. Ouais, mais en même temps, s'il y avait plus de gens qui masterisaient des trucs que tu aimes de la manière que tu aimes, ce serait plus haut. Ah, complètement. Ah, ce serait 20%. C'est la faute des gens. C'est la faute des gens, en fait. Mais bon, on envoie un message hein, à tous les si gens. Vous voulez faire jouer qui... à Brancalonia. Voilà, qui masterise les jeux qu'aime Manitou et qui le voit de la même manière même que lui. Même façon que moi, surtout. Voilà. Eh bien, laissez un message, hein, laissez un commentaire, on lui transmettra tout de suite. Ceci dit, je suis peut-être un peu vache parce qu'actuellement, je suis joueur justement sur Donjons et compagnie et je m'amuse bien alors que j'ai ma propre vision du jeu. Donc, c'est être un petit peu vache, mais non. Oui, évidemment, on exagère un peu. On exagère un peu, mais c'est pour créer du drama, je suis oui, voilà, à bonne école. Pour exactement, tu vois, j'ai bien formé mon petit padawan, les là, gens ils veulent ça. Du drama. Voilà, comme ça va parler, ouais t'as vu ce qu'il a dit sur machin là. C'est ça. La cinquième question que tout le monde y a droit, hein, c'est comme ça, c'est vos conseils pour nos abonnés, tout simplement. Alors, pour être ce que vous voulez dans le JDR, même en tant que joueur et en tant que MJ, c'est ce qui vous vient à l'esprit, des choses que vous... Oui. Mais vas-y. Le conseil que je donnerais, c'est de rester curieux. Curieux et curieuse, en fait. Ce serait de rester toujours curieux et curieuse de ce qui se passe dans le JDR et de nouvelles pratiques, des nouveaux jeux, des nouveaux systèmes, en fait. C'est-à-dire on peut ne pas aimer un système, pas aimer un jeu, pas aimer une proposition, pas aimer le narrativisme, pas aimer de mettre en place des trucs émotionnels, machin, ce que vous voulez, c'est pas un souci. Mais restez curieux, restez ouvert, et si c'est pas pour vous, c'est pas grave, il y a aucun problème, chacun joue comme il veut, mais justement, si chacun joue comme il veut, ça veut dire que ceux qui ne jouent pas forcément comme vous aimez, ben, ils s'éclatent aussi, et c'est aussi du jeu de rôle, quoi. Et voilà, je pense que c'est important qu'on reste ouvert et reste curieux, et si ça nous plaît pas, c'est pas grave. Mais qu'on ne juge pas les pratiques des autres ou ce que font c'est les vrai. Autres. Voilà. C'est vrai. Il en faut pour tout le monde et pour tous les groupes. C'est ça, exactement. Moi, j'aurais tendance à conseiller d'oser, en fait. Oser se lancer, oser poser des questions, oser s'intéresser. J'ai vu plusieurs fois sur JDR virtuel, par exemple, des personnes qui viennent, qui s'inscrivent, en disant, ouais, ça m'a toujours tenté, mais j'ai jamais osé franchir le pas, j'ai jamais osé chercher un groupe, j'ai peur de passer pour un noob, ce genre de trucs. Et y a beaucoup de critères, en fait, qui font que les gens se freinent pour pas grand-chose, au final, juste parce que soit ils ont peur de déranger, soit ils ont peut-être un petit peu honte aussi. Alors, effectivement, le jeu de rôle, ça demande de s'exprimer, ça demande de participer, c'est un jeu collectif ou quoi, donc les personnes qui sont pas forcément à l'aise en société ou à l'aise en virtuel ou quoi, ça peut poser un problème. Mais voilà, moi ce que j'aurais tendance à dire, c'est que les gens qui font du jeu de rôle, ils sont tous là pour s'amuser, pour passer un bon moment. On n'est pas là dans le jugement, on n'est pas là pour noter les gens. Il n'y a pas un contrôle, il n'y a pas un... Voilà, donc il faut oser se lancer, il faut essayer. Après, c'est fait pour vous, bah, tant mieux. C'est pas fait pour vous, bah, au moins vous avez essayé, vous pourrez savoir qu'il en est. Donc ouais, essayez. Je pense que ce serait mon conseil. Non, mais c'est un très bon conseil, en effet. C'est vrai que souvent, souvent, en fait, les gens qui découvrent le JDR, qui sont un petit peu nouveaux là-dedans, et ils tombent forcément sur ce qu'il y a en ce moment, c'est YouTube, c'est Twitch. Donc, ils vont regarder des gens qui masterisent des groupes, mais qui ont déjà une expérience, mais qui... c'est sûr que quand on les voit faire, on dit, ils sont trop forts. Ils ont toutes les clés pour donner l'immersion et tout. C'est et ils oublient très vite que avant ça, il y a eu toute une phase d'apprentissage. Il y a eu des échecs, il y a des choses qui se sont mal passées, des choses qui se sont bien passées, et que la verve et l'improvisation qu'il peut y avoir, elle n'est pas arrivée là par hasard. C'est la pratique, c'est plein de choses. Donc c'est vrai que quand tu regardes une vidéo comme ça, tu te dis ouais, il est super fort, mais je n'y arriverai jamais à ça. Mais il ne faut pas s'attendre à faire ça si tu pratiques jamais, parce qu'il faut le faire. Et oui, et puis on n'est pas là pour la performance, on est là aussi pour passer un bon moment, en fait. Donc il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de, effectivement il y a des gens qui sont expérimentés par rapport à d'autres personnes qui sont plutôt débutantes, mais au final quand on se réunit, c'est surtout pour passer un bon moment, c'est pas pour savoir qui est le meilleur ou ce genre de truc, quoi. Ça, on s'en fout. L'avantage du jeu de rôle, contrairement à un jeu de société, c'est qu'il n'y a pas de vainqueur, on est là pour jouer. C'est vrai. C'est vrai, à l'écoute les uns les autres et interagir avec tout ce qui se passe. Non, franchement, c'est vrai. Il faut penser que toutes les vidéos, de toute façon, sur YouTube, elles ont pour but d'être vues. Ça veut dire qu'on y pense un peu. C'est un show, en fait. C'est du spectacle. Voilà, le JDR sur YouTube ou sur Twitch, hein, surtout pour les très grosses chaînes, ou les grosses chaînes, se dirige de plus en plus vers du spectacle. Et ouais, le spectacle, c'est pas fait pour montrer ce que c'est une table que vous pouvez croiser pour trouver des ambiances. Mais on a quand même de plus en plus des acteurs ou des scénarios, des trucs très montés, des vidéos faites pour durer une heure et non pas 3-4 heures comme on peut avoir dans une table. Genre celle-là, quoi. Donc voilà, c'est vrai que si on tombe dessus en premier, on va se dire mais waouh, c'est incroyable, le MJ, il est incroyable, il s'appelle comment, Matthew, il fait plein de voix, c'est incroyable, et puis eux, ils jouent tellement bien, les personnages, oui, mais ce sont des acteurs. KFR, il est trop fort, ce joueur. Mon dieu, il est tellement rose. Mais, nous, je trouve qu'on est encore un petit peu dans l'artisan, même si on fait pas mal de montage, on est encore un petit peu dans cette idée-là. Mais tu vois là, les beaux actuels, parce que moi je trouve ça beau, hein, c'est du show. Donc c'est vrai que ça, faut pas que ça mette des barrières, faut pas que ces actuels PLA que vous voyez et qui vous donnent envie mettent des barrières aux gens, parce qu'il y a déjà suffisamment de barrières dans le jeu de rôle. La barrière du j'ose pas me lancer, j'ose pas parler, j'ose pas mettre ma caméra, j'ose pas allumer mon micro, j'ose pas être MJ parce que j'ai peur que les gens jugent, les gens passent un mauvais moment. Enfin, il y a tellement de j'ose pas dans le jeu de rôle qu'on va pas s'en rajouter en plus. C'est ça. Légitimité, tout ça, non, c'est... Voilà, faut vraiment abattre tout ça, quoi. Il n'y a pas de légitimité à avoir, il n'y a pas de... Ouais, mais moi, je fais moins bien que Mathieu, C'est vrai, quand même. Petit bretir. Non, mais c'est pas grave. C'est... Oui, voilà. Enfin, eux, ils sont dans un autre concept. C'est vraiment... C'est ça, c'est pas la même chose. Et puis, je pense qu'il faudrait aussi... C'est pas évident, mais il y a quand même une différence entre les actuels plays qu'on voit et puis ce qu'on joue. J'ai vu plusieurs personnes déçues, en fait, en essayant le jeu de rôle. Parce que ben c'est pas comme aventure, c'est pas comme voilà, et ben c'est normal parce que c'est comme quand tu fais une pièce de théâtre, c'est pas un film gros budget, c'est un peu la même chose, c'est pas le même niveau et c'est pas le même but non plus. Un actual play c'est fait pour être regardé, alors qu'un jeu de rôle, un vrai jeu de rôle, hein, bien sûr, c'est fait pour être joué, quoi. C'est vrai. Après, c'est vrai que tout ce que vous venez de citer, hein, que ce soit aventure et tout, bon, c'est d'une série. Hein. Genre, techniquement, il y a du montage, ils reprennent des scènes pour le jouer différemment, surtout avec un Bob Lennon qui est vraiment un showman qui fait du plus. Forcément, à moins d'avoir vraiment une troupe avec toi, tu débutes le jeu de rôle avec des déconneurs de fous et... Mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Non. Donc, il faut passer par les basiques. Trouvez votre ton à vous, quoi. C'est ça. C'est pas que le temps. Prenez le temps, ouais, c'est exactement, c'est bien ça. Ok. Puis poser des questions, hein, demandez aux gens, hein, sur les forums, sur les Discord. Il y a plein de Discord super ouverts. Et vous pouvez, il y a des Discord, vous pouvez parler un petit peu de vos appréhensions, ben, et les gens vous répondront en vous disant que bah, eux aussi, et que c'est, et que nous aussi, on a toujours du stress avant de mener une partie avec des gens qu'on connaît pas ou peu, et c'est normal. Donc, voilà. Ok. Ben, on va continuer après ces super conseils. La sixième question, donc, avez-vous dernièrement ou par le passé participé à des événements ou des conventions holistiques? Non. Alors, réponse courte, après on fera les longues. Voilà, c'était la réponse courte. le problème, personnellement, le problème, c'est que moi je travaille le week-end, donc tout ce qui est vendredi, samedi, ben, je suis pas libre. Je suis pris jusqu'à minimum 21h, 21h30. Ouais. Donc du coup, le problème, c'est que les conventions, ben, ça se déroule vendredi, samedi, dimanche. Donc la dernière convention IRL à laquelle j'ai participé, c'est Kaysersberg. Ouais. Ça y est, voilà. Donc, c'était la première fois que je voyais Max, d'ailleurs. Oui, la première et seule fois. La première et seule fois, d'ailleurs, c'est vu IRL. Et après, ben, Covid et tout ça, ben, j'en ai pas fait d'autres. Et sinon, il y a eu la première cyberconf, je crois, où j'ai masterisé un truc. Oui. Et parce que j'étais en vacances cette fois-ci. Mais sinon, voilà, j'ai pas. Le problème, c'est que c'est le manque de temps et de disponibilité, en fait. J'aurais bien voulu, mais je peux pas. Ils ont qu'à faire ça en plein milieu de semaine aussi. Hein. Voilà. Écoute, on va essayer d'inventer une convention en semaine, aux c'est heures de quoi, de bureau. À mes heures, tout à fait. Ouais. C'est, non, mais c'est ça, le monde du jeu de rôle doit s'adapter à moi. Ça doit être, on doit me trouver un MJ comme jeu de rôle avec des conventions qui m'intéressent quand je suis libre. On l'appellera la convention Manitou. C'est ouais, ça. Quand tu seras aussi connu que Fibre. La manivention. Les conventions à toi. T'inquiète pas. Ouais, mais en plus, c'est vrai qu'on on participe à, pas non plus à des conventions comme chaîne, genre avec un stand non plus, tu vois. Donc, parce que lui, il n'est pas dispo là, un vendredi, samedi, et parce que moi, souvent, je vais me greffer sur un stream ou un truc comme ça, donc forcément, voilà. Voilà. C'est vrai qu'on ne sait pas se vendre, en fait. Hein. Moi, la première Cybercon, j'y suis allé, on avait Die Story, on avait tout ça, et j'y suis, et non, moi, je viens faire une partie, qui c'est qui veut jouer? Oui, c'est ça, non, mais même souvent, voilà, c'est. C'est vrai qu'on pourrait participer à des conventions aussi. On pourrait commencer à réfléchir à participer comme stand, tu vois, des fois. Mais oui. La flemme. Je préfère aller balader surtout sur les stands des autres, en fait. Surtout que vous avez l'air d'avoir quand même une communauté qui est plutôt présente, de ce que ils sont cool. Donc, vous pourriez tout à fait imaginer d'avoir un stand, quelque chose pour justement partager, un moment de partage avec tous les gens qui vous suivent. Maintenant, pour ça, je trouve que c'est bien. C'est vrai que maintenant, aussi, on fait partie d'une communauté, Scandalicious, qui correspond mieux à ma vision de, voilà, de ce que doit être un peu le YouTube game, on va dire, voilà, et qui, voilà, qui libère aussi de la charge d'animer des Discord et tout, et qui me permet aussi de participer comme ça, bah, soit en commun sur une convention, soit de pouvoir aller faire des bêtises en stream, sur tous les streams du monde possible en convention, quoi. Bon, moi, clairement, les conventions, ce que je préfère, c'est aller voir les autres, hein. c'est pas pour animer un truc, hein. C'est découvrir les gens. Non, mais clairement. Rester sur un stand pendant 3 heures pour qu'il y ait une personne qui passe te voir. Sans des autres, ouais, c'est vrai. De ton côté, KFR, peut-être que tu as eu l'occasion de le faire. Alors, les virtuels, oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup les virtuels. Soit avec le Malito Release ou Scandalicious, ou soit avec le jeu de rôle solo aussi, avec JDR solo, hein, plein de Discord différents. Soit effectivement comme animateur ou comme. Pour proposer du contenu. Cyberconv, en fait, par exemple. Cyberconv, les trois. Draconis, il y a une semaine. Mm-hmm. C'est ça, il y a une semaine et demie, là. Pour le moment, on tourne cette vidéo. Donc, Draconis, effectivement, j'ai pu faire du jeu de rôle solo, etc. Et puis, Kaysersberg, vu que c'est à côté de chez moi, la convention physique. C'est la seule convention physique. Ah non, non, non, c'est vrai, j'ai fait aussi Don des Dragons à Strasbourg, qui est pas trop loin. Mais, Mais, tu as oublié ça. Eh oui. Mais Kaysersberg en réel, qui est la convention où j'essaie de ne jamais la rater. Donc cette année, elle revient, on espère, avec les contraintes sanitaires un peu levées. Enfin, pour nous permettre de faire quelque chose. Sans ça, je suis très content de pouvoir y retourner parce que c'est une convention que j'aime beaucoup et où j'essaie d'être MJ le plus possible là-bas. Quoi. Parce que, juste pour situer, est-ce que vous êtes loin physiquement l'un de l'autre? Ah, oui. moralement, on est très proche, mais physiquement, on est trop loin. Ouais. Alors, d'accord. On est dans le même pays. On est dans le même pays, ouais, c'est déjà pas mal. Mais quand même... Ouais, on tire, quoi. Il y en a un qui est tout au sud, et moi qui suis tout à l'est. Donc, on s'est vu IRL. Ouais, 7 heures de train, ouais. Voilà. D'accord. C'était Esbjerg 2019, avril 2019, ou mai donc, 2019. Donc, vous êtes des virtuels, en fait. Ouais. Vous êtes... voilà. C'est incroyable, hein. Incroyable, hein. Bah, j'ai envie de dire oui et non parce que on est totalement dans l'air du temps. Hein. Je pense qu'il y a plein de gens que je connais ou que je les ai vus, je sais pas, un nombre incalculable de fois en vidéo. On s'est parlé comme si on se connaissait depuis toujours et finalement on s'est jamais vu vraiment. C'est vrai. Ah, et puis le virtuel a ça de formidable, c'est qu'on peut voir des gens qu'on n'aurait jamais pu croiser avant. C'est vrai. Bah, déjà, par exemple, voilà, Kiefer. Mmh. Et je pense par exemple à Dizay, qui est au Québec. À aucun moment, j'aurais pu la croiser autrement que comme ça. On a l'équipe de Fumble Play qui sont à Nantes, si je dis pas de bêtises. Mmh. Donc, c'est pareil. Moi, je les trouve super et j'apprécie de jouer avec eux. Donc, sans le virtuel, je ferais pas de jeu de rôle, je pense, en fait, tout simplement, parce que chez moi, il y a personne qui connaît, quoi. Mais on aimerait bien se déplacer un peu plus. Hein. Genre le Fige. Le Fige, j'adorerais y aller quand même un peu. Il y a celui de Lyon, au Toulon. Je suis quand même lyonnais à la base. Hein. Mais j'ai jamais mis les pieds au Toulon. J'adorerais. Ça s'est pas fait d'ailleurs pour des raisons cette année. Mais, l'année prochaine, c'est pas grave. Non, 2020, je devais y aller. Malheureusement, Covid annulé. Oui. Mais j'espère bien. Donc, j'espère qu'on pourra bien sortir. Bah, on est en ce... Oui? Oui, non, je disais, j'ai fait celui de Montpellier deux fois, hein. J'avais oublié, mais je suis allé à CC au-delà de Montpellier, avant le Covid, bah oui. Bah alors je l'ai fait deux fois, oui, effectivement. Faut le dire. Je te pose la question de savoir, et tu dis, je fais pas. C'est vieux, j'avais oublié. Je me souviens, avant le Covid. Ouais, mais c'était avant le Covid, mais... Ah, en fait, il n'y avait pas de vie avant le Covid. Non, genre, ça n'existait pas. Ça fait trop longtemps, on a oublié. Ça fait très longtemps. Mais non, mais oui, carrément, faut le dire. Montpellier, en plus, ça a l'air d'être une convention très sympa. C'était pas mal. C'était pas mal. Ouais. Alors, rien à voir avec Heisenberg, mais c'était quand même cool. Enfin, moi, ce qui me plaisait, c'était justement le fait de voir les stands, les auteurs, les tables rondes qu'ils faisaient, ce genre de trucs. C'est vachement intéressant, quoi. Écoutez, bon, on va continuer. Septième question. Messieurs, pourquoi êtes-vous devenu youtubeur streamer? Je vais commencer, du coup. Bah, oui. Parce qu'à la base, c'était juste pour les copains, en fait. C'est les gens qui pouvaient pas jouer avec nous. Bah, on s'est dit, tiens, on va filmer ce qu'on fait. Comme c'était un truc original sur Vermine, un scénario qui était fait par Amatsu. Qui m'a dit tiens, je voulais le tester, il m'a dit bah tiens prends mon scénar et je l'ai fait jouer. Je me suis dit bah je vais nous filmer juste pour rigoler comme ça et puis bah ça a pas mal marché en fait. Ça a pas mal marché, les gens ont voulu la suite et on s'est dit bah tiens et si on faisait la suite. Alors on a fait la suite, donc j'ai créé Die Story et tout ça, on mettait ça dessus. Et puis bah Max il s'est pris au jeu et puis il m'a dit il y a une place, je fais ouais viens, vas-y, rentre, fais comme chez toi. Du coup, c'est... C'était pas prémédité. C'est pour ça que ça s'appelle Die Story, finalement. Parce que tu vous avais raconté quelque chose. À la base, c'était... Moi, c'était pour raconter des histoires, raconter les jeux que je maîtrisais, ce genre de trucs, montrer un petit peu les parties, comment on le faisait en virtuel, ce genre de choses. Et donc, j'ai appelé ça Die Story. Mais j'avais pas de but spécifique, j'avais aucune ambition. J'ai fait ça juste parce que j'avais envie de faire ça sur le moment. Et je me suis pas posé plus de questions et après bah c'est à cause de Max. Oui. Ou grâce, voilà. Ça dépend. C'est qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Non, à cause c'est pour le drama. Ah d'accord. Moi qu'est-ce que j'ai fait? Alors prenez un thé, installez-vous parce que ça va être long. Hein. J'ai pas de trucs à dire par rapport à ça. J'ai ma tasse, c'est bon. Effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que j'allais encore dire ton pseudo, ton nom réel, faut que tu arrêtes de faire ça. Il faut savoir que la chaîne, à la base, c'est Manitou qui l'a créé, et que Manitou, effectivement, il était, entre guillemets, tout seul, en fait, dessus. Il a juste accepté. Il a accepté un jour, je lui ai demandé l'autorisation, parce que je voulais faire du jeu de rôle solo. Je voulais faire du Iron Sword pendant un été. Et j'arrivais pas à jouer comme ça, en fait. J'arrivais pas à écrire, parce que je réfléchissais trop vite. J'arrivais pas à jouer en tête de l'esprit. Ça partait en n'importe quoi, mon jeu de rôle solo. Je me maîtrisais pas, en fait. Et je me suis aperçu qu'en me filmant, ça marchait bien. Et donc, je me suis filmé comme si je parlais à des gens, à Ironsworn, où j'expliquais les règles, où je faisais mon personnage et tout. Et j'ai proposé à Manitou qu'il l'héberge sur la chaîne, du coup, sur Dice Story. Parce que j'avais fait un peu comme avait fait Sandrone, en fait, tout simplement. C'est Sandrone mon inspiration, quoi. Mmh. Et du coup, il a accepté, effectivement. C'est comme ça que je suis rentré un peu sur la chaîne. C'est j'ai d'abord fait les vidéos Ironsworn. Puis après, comme ça avait pas trop mal marché, le côté un peu tuto du scénario d'Ironsworn a bien marché, bah du coup, bah, on s'est dit, bah ouais, petit tuto d'autres systèmes jeux de rôle qu'on aime bien, etc. etc. Mmh. Et fin en aiguille, on s'est ouais, bien bah, pris au jeu. Covid aidant aussi. On a eu beaucoup de temps libre à ce moment-là. Et puis, bah, en fait, le truc qui est rigolo avec Kiefer, c'est qu'on s'automotive. C'est-à-dire que moi, j'avais aucune ambition, j'avais pas de projet, rien du tout. J'avais une idée, et puis Kiefer était là, bah si, vas-y, lance-toi, fais le truc et tout ça. Alors bon, bah ça booste, on est content, ça motive, bah je le fais. Puis c'est comme ça qu'on a produit différents trucs. Donc quand on nous a demandé, quand on voyait qu'il y avait plein de personnes qui galéraient sur Roll20, alors qu'il y avait déjà quand même pas mal de tutos, on s'est dit, bon, bah, on va faire le nôtre parce que bah, peut-être la façon de parler, de la façon de raconter, c'est peut-être pas la même. On s'est dit, on va essayer. D'ailleurs, Max, enfin, Kiefer, c'était pour sa cousine hein, qu'il avait fait le tuto à la base. C'est la légende est vraie. Hein. C'était le tuto le plus vu de la chaîne. 25 000 vues, c'était pour sa cousine. Ouais, et ça a fait exposer la chaîne. Merci la cousine. Ça a été la bascule totale de la cousine. C'est ça. C'était véritablement pour ma cousine. Et je me suis dit, bah, je vais le filmer au cas où, si je le mettrais à un moment sur la chaîne. Parce que le confinement, on savait pas combien de temps ça allait durer et que peut-être que les gens allaient se demander s'ils avaient pas se mettre au virtuel. Bah ouais. Bah ouais. Putain, pourtant j'ai fait un tuto Roll20, mais il a pas du tout fait. C'est parce que tu l'as pas fait pour ta cousine. Mais il est sorti en merde. Non, franchement, c'était mes premières vidéos, c'était affreux, ça durait trop longtemps. Ah, mais ça, c'est un souci qu'on a. Ça, nos vidéos durent aussi trop longtemps. Nous, c'est pareil. Et... Non. On assume. Ouais, c'est on la différence. Non, mais alors, du coup. Quand toi, KFR, tu es arrivé donc, de manière un peu détournée sur la chaîne, vous connaissiez déjà bien ou vous étiez fraîchement... Je ne me rappelle plus quand j'ai rejoint Anathasia. Je pense que, très sincèrement, on ne se connaît pas tant que ça, hein, au final. On a des goûts en commun au niveau jeu de rôle et tout ça. On a notre passion pour la chaîne et pour le jeu de rôle. Mais c'est vrai qu'en dehors du jeu de rôle, on... pas souvent eu l'occasion de discuter vraiment ou d'apprendre à se connaître, je veux dire, de façon plus poussée, je veux dire. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Après, oui, effectivement, t'avais rejoint déjà Anathasiarine, je crois. Ouais. T'avais rejoint Anathasiarine. C'est comme ça que j'ai intégré un petit peu le groupe, hein, puisque c'est à ce moment-là que j'ai fait Vermine. Donc, comme j'avais commencé une campagne sur donc, Chronique Oubliée Fantasy à Anathasiarine, j'avais 4 joueurs, dont des amis proches de Kiefer. Et puis, comme il y a eu des désistements et tout ça, qu'il fallait fallait remplacer, Scarlock donc, a proposé à Kiefer, je dis avec plaisir, hein, pas de problème. Et c'est comme ça en fait, qu'on a vraiment fait connaissance. On se connaissait un petit peu avant, mais on se fréquentait pas du tout. C'est vraiment par Scarlock. Donc du coup, ce qui vous a, dans un premier temps, connecté, c'est la chaîne, qui a fait ce lien un peu... Pour une campagne, j'étais joueur. Ouais, d'accord. C'est Scarlock qui nous a présenté vraiment plus, et on a joué ensemble, et après on s'est lancé. D'accord, ok. Pour répondre à ta question, c'est parce que c'est vrai que le format vidéo, moi ça me permet plein de choses en fait, qui me plaisent en termes de créativité en fait. Il y a le côté créatif, effectivement, c'est pour ça qu'on a, on a vraiment plein de formats différents sur la chaîne, quoi. Si tu regardes notre chaîne, jusqu'à très récemment, je crois qu'on était peut-être la seule chaîne qui proposait du contenu aussi différent dans le sens où il y avait des tutos système, il y avait des tutos Roll20, il y avait des actual play, il y avait des présentations du jeu, il y avait des news. Sens, en fait. Ouais. C'est vrai, les gens qui sont là peuvent dire, mais ça part dans tous les sens. Oui, ça part dans tous les sens parce qu'on aime parler de tellement de trucs et on aime faire tester des trucs, en fait. On a vraiment testé des trucs. Et il y a du narratif, enfin, je veux dire, voilà, c'est... mais parce que c'est un espace d'expression en fait. Et j'aime beaucoup ce mot de créateur de contenu parce que c'est pas le côté pompeux, mais le côté j'aime tenter des trucs et voir comment c'est reçu en fait, et voir comment c'est accepté. On a fait des trucs, on s'est planté en beauté, hein, genre les masterclass ça a pas pris du tout, et c'était super chiant à monter en plus, donc c'est pour ça qu'on a laissé, et puis après je sais pas comment c'est venu, mais on s'est dit viens on fait une vidéo à deux, parce que c'est plus sympa à deux, et on a bien aimé, c'était plus sympa effectivement, et du coup on en a fait un petit peu plus. C'est juste pour présenter des systèmes, pour Dragon. Un jeu, on s'est dit on va le faire à deux, et on a vu que ça marchait bien, que nous on était plus à l'aise, et du coup on s'est mis à faire des formats à deux, qu'on faisait pas du tout avant. Avant c'était des solos chacun, enfin des... Chacun de notre côté, ouais. Truc, et puis on s'est mis à faire plus de trucs à deux, et vachement bien. Et puis le Twitch, parce que... Alors le Twitch, c'est principalement toi quand même. Moi j'ai lancé le Twitch au début parce que je voulais faire du live sur Blade in the Dark avec Desire en MJ. Qui m'a dit viens on peut le faire et tout, et puis elle m'a filé les images, enfin c'était du pré-mâché quoi, c'était super facile pour moi du coup derrière, elle a été super, et du coup on a lancé ça, mais voilà, en mode pourquoi pas si des gens veulent venir, et y a des gens qui sont venus en fait, bon c'est pour l'instant, un peu qu'est-ce qu'on fait maintenant et tout ça, qu'est-ce qu'on fait alors, en plus j'avais plus d'excuses, avant j'avais pas la fibre, maintenant elle y est quoi, donc là faut faire un truc avec, c'est con sinon, et puis Max je l'ai un peu poussé au début, pas trop, et puis je l'ai un peu poussé, j'ai dit viens, ras le bol de faire du montage, viens on fait du live parce que c'est facile maintenant en fait, c'est vrai. Et du coup pendant ses vacances il s'est lancé, et puis on ne l'arrête plus maintenant. J'ai vu ça. Intenable. Putain, c'est tous les jours. Et pas. Intenable. C'est incroyable. Ah ouais, non, c'est. Il y a deux trucs qui me plaisent énormément dans le stream. Et je parle pas de stream actual play. Hein, parce que on a le côté pas de montage machin. Mais c'est vrai que là, 99% des streams que je fais, c'est de la papote et de la présentation de jeu. Hein, donc c'est pas de l'actual play. Hein, vraiment, c'est du jeu de rôle en mode just chatting, on va dire. En gros, quoi. Ok. C'est que ça allie deux trucs que j'aime beaucoup et qui me manquaient un peu aussi dans la chaîne YouTube. C'est le côté transmission, parce que le côté transmission, je l'ai. Transmission, tu vois. Je l'ai le côté transmission parce que c'est peut-être ma deuxième passion après le jeu de rôle, quoi. C'est mon métier, en fait, la transmission. Transmettre des choses, c'est mon métier. J'en ai fait mon métier. Hein. Je suis professionnel de transmission. Et du coup, la transmission du jeu de rôle, c'est un truc qui m'a plu tout de suite, en fait, avec YouTube. Et... Il est dans l'automobile, hein, ce qu'il faut dire. C'est... Oui, bah, ah, oui. Ouais. Il transmet. Mais non, je suis enseignant. Et là, enseignant. Et du coup, le côté transmettre le jeu de rôle dans le sens, montrer ce que c'est et montrer les différentes pratiques de jeu de rôle. Moi, c'est vraiment le truc qui me plaît énormément dans ce qu'on fait maintenant sur YouTube avec Manitou, c'est de pouvoir transmettre cette passion du jeu de rôle pour le faire découvrir, mais aussi transmettre plusieurs pratiques. Et pas être cantonné à certaines pratiques et montrer tout ce qui peut exister pour tout le monde. Et le souci qu'on avait avec YouTube, c'est qu'on avait, je trouve, on avait assez peu de retours. Assez peu de... Enfin, on se rendait pas compte de notre communauté, de qui c'est qu'il y avait, de... Tu vois c'est... On avait des commentaires de fans qui étaient réguliers, hein, qui nous faisaient vraiment beaucoup plaisir. Ça, c'est super agréable, mais en fait, c'est con ce que je veux dire, mais c'est pas assez. En fait, tu tapes... Pas l'échange. Ouais, il n'y a pas d'échange en fait. T'as pas l'instantané, dit, c'est super, avec merci, machin. Mais c'est tout. Il y a tout de suite le retour, quoi. Ouais. C'est ça. C'est sûr. Et le live, ça permet d'avoir cet échange direct et de connaître les gens qui te suivent. Parce que c'est bien hein, d'avoir plein d'avos, c'est super. Hein. Ouais, mais c'est anonyme. De pas connaître les gens, moi ça me manquait. C'est très impersonnel, début, finalement, les commentaires. Voilà. Au début, tu veux avoir 1000 abos, parce que c'est la barrière, c'est machin, c'est ce que tu veux. C'est un objectif, tu te dis, waouh, mon Dieu, on va avoir 1000 abos. C'est ton objectif. Puis après, une fois que tu as eu 1000 abos, tu te dis, ouais, mais en fait, c'est qui ? C'est pour ça. Pourquoi ils suivent ces gens ? Pourquoi ils nous aiment bien, en fait ? Qu'est-ce qu'ils font là ? Qu'est-ce qu'ils font ? C'est ça. Et t'as envie d'échanger avec eux, t'as envie de savoir c'est quoi les jeux qu'ils aiment, c'est pourquoi ils te suivent. Surtout on n'a pas de Discord, donc les gens, pour nous contacter, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ils n'avaient aucun moyen de le faire. Moi, les réseaux sociaux, c'est pas du tout mon truc. Je m'y suis un peu forcé, justement, par rapport à la chaîne et tout ça. Je me suis dit, imagine, il y a quelqu'un qui veut te parler un jour. On va faire ça, quoi. Mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas de moyen de nous contacter, même si on avait mis un mail. On n'a jamais reçu de mail autre que les gens qui veulent nous vendre des trucs. Quoi. Mais sinon, c'est vrai que... Alors, moi, le live, j'y suis pas encore, parce que je suis pas encore suffisamment à l'aise, peut-être. Faut que je me pousse un petit peu, faut que je me motive. Le côté technique me fait peur, parce que je suis nul avec OBS et tout ça, je maîtrise pas, donc j'ai peur de tout casser et de faire un flan. Et puis ben, quand je vois la hype que les gens ils ont de voir hein, le professeur Kiefer hein, tout feu, tout flamme là, sur le devant de la scène, les paillettes, le rose et tout ça, toi t'arrives, tu te dis « Ouais, mais est-ce que je vais pas tout foutre en l'air? Est-ce que je vais pas tout casser? » Ah, tu coup, vois, on revient aux barrières, c'est ça. Un jeu de rôle. Alors du coup, donc, pour l'instant, ouais, je suis un peu... Puis le temps, j'ai pas le créneau non plus qui me le permet, mais je vais essayer cette semaine de m'y mettre un petit peu plus, donc... Quand vous verrez cette vidéo, vous saurez si ça a marché ou pas. Peut-être que j'aurais disparu de la toile parce que tellement... Bon, après, normalement, si tout va bien, elle sera montée dans pas trop longtemps. À la limite, le mois prochain, parce que je vais quand même essayer de laisser passer les choses. Je pense pas que choses, dans un mois, tu n'existeras plus sur le web. J'espère pas, en moi. Ça dépend si j'ai un contrat en béton avec une exclusivité chez... Je sais pas. Ouais. Ok, d'accord. Bah écoute, j'espère pour toi, tu vas avoir un contrat en béton. Mais bon, c'est cool. Mais quand même. Voilà. Ce serait dommage. D'accord. Mais en fait, la question suivante était un petit peu liée à ce qu'on vient de dire finalement, puisque c'était pour de nous parler de votre chaîne. Alors, peut-être plus en détail sur des formats, les formats que vous faites, les concepts que vous avez actuellement, ou peut-être de donner envie aux gens qui ne vous connaissent pas encore de venir faire un tour sur Dice Story et de ce que vous proposez, on va dire, en ce moment, ou ce que vous avez proposé par le passé. Tout. On propose tout. Sur Dice Story, vous pouvez trouver... ASMR. Vous pouvez trouver de l'ASMR, de l'ASMJDR. Vous pouvez trouver des news, vous pouvez trouver des focus. Alors, maintenant, je dis plus focus sur des jeux que des critiques, parce que je me rends compte qu'en fait, on critique assez peu les jeux, parce qu'en fait, souvent, on montre des jeux qu'on aime bien. C'est ça. En général, on ne critique pas les jeux qui sont nuls. Quoi. Alors, je vais acheter un jeu qui est nul, mais juste pour le dire, critique. On n'a déjà pas le temps de parler de tous les jeux qu'on a envie de parler, alors si en plus il faut qu'on parle des jeux qu'on n'a pas aimés. Non, je rigole bien sûr, mais dans le sens critique, c'est-à-dire que voilà, on décortique un jeu, on explique l'univers, le système, la maquette, quelles limites on lui voit, etc. On peut trouver des actual play, qui sont joués en virtuel pour le moment, qu'on essaie de monter pour rendre un peu plus dynamique, de toute façon. On sait qu'il y en a un petit peu moins, parce que c'est quand même super chronophage, les actual play, c'est beaucoup, beaucoup de boulot, d'où le fait qu'on essaye aussi de passer en live sur Twitch pour avoir moins de boulot, quoi. On trouve des tutos système pour apprendre assez rapidement, pour se rappeler rapidement d'un système de jeu, du narratif, du solo. On trouve des jeux du rôle solo. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Des interviews. Oui. On essaye de faire un peu plus des interviews. On essaye d'être un peu plus proche des professionnels. Alors, pas sur n'importe quel projet, hein, sur les projets qu'on choisit ou des maisons d'édition avec qui ça matche bien. Mais voilà, on essaye aussi de faire des interviews d'auteurs indés comme de boîtes qui sortent des licences, des grosses boîtes, mais grosses à des gros guillemets, parce que dans le jeu de rôle, personne n'est vraiment gros, hein, en termes de taille ou de chiffre d'affaires. Mmh. Mais voilà, qu'on essaie de faire. Donc, voilà, c'est vrai qu'il y a un peu de tout, parce qu'on... Parce qu'on aime un peu tout. Ouais, vous aimez... Essayez tout. On aime. On a envie de faire un truc, c'est ce que je disais, on a envie de faire un truc, on le fait, par exemple. Voilà, donc demain, il y a un jeu qui sort qui m'intéresse, bon, bah, on va voir si on peut parler avec les auteurs, s'ils sont d'accord ou quoi, on va peut-être voir hein, si on peut lire le bouquin, déjà, dans un premier temps. S'il nous plaît pour en parler, on a fait des unboxings aussi, même si il y en a pas beaucoup, mais parce que bah, il faut des ronds pour acheter des trucs, quoi. Donc abonnez-vous. Ouais. Hein. mais sinon ouais, on essaye de faire des unboxings pour montrer un petit peu les contenus de ce qu'on peut avoir dans les financements participatifs, parce que c'est pas encore forcément connu de toutes et tous. Donc ouais, en fait, quand on a une idée, on se dit bah tiens, on va le faire, et puis bah on le fait, en fait. Mais ça fait un an qu'on s'est pas mal quand même déporté sur le côté news. On fait news par mois, quoi. C'est cool, mais c'est des news qui quand même, alors attention hein, c'est quand même des news qui correspondent aussi à ce qui nous intéresse un peu dans le jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'ambition de faire comme Rollis TV, de faire un journal, quoi, avec le chef éditeur. Franchement, non, ils sont trop forts, et je leur laisse... Franchement, c'est un travail de titanesque. Mais... Non, nous, on va... Des trucs qui nous ont plu, ou qui nous ont interloqué dans le jeu de rôle, ou des news, on peut pas passer à côté, le Graal, le machin, tu vois. Mais voilà, on va surtout faire par rapport à notre sensibilité, et les choses qui nous semblent importantes. On va pas traiter de tout, mais on va essayer de parler de ces choses-là, et peut-être des choses qui sont passées dans le mois, C'est ça, les jeux qui sortent ou qui sont prévus. Ou ouais, par exemple, là où on en est sur certains pledges. Ah bah tiens, j'ai pledge à tel jeu il y a 2 ans, putain, il est toujours pas sorti. Voilà, on crache un peu dessus quand même, parce que... Jamais, un peu, mais on l'enregistre pas. Mais non, voilà, on fait un petit peu voilà, de l'actualité, du suivi de gamme, ce genre de choses. Mm-hmm. Voilà. Tout ce qui nous parle, en fait, bah, c'est ce qu'on a envie de transmettre et de partager. Et on fait des vidéos super longues. Voilà, il faut aussi que les gens soient chez nous, c'est une demi-heure minimum. Sinon, ouais, faut avoir du temps. Dans les tutos, bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de tutos, mais les tutos, ouais. Ça va, ils sont quand même assez courts. Ah, attends, la dernière vidéo système, elle dure 45 minutes quand même. Ouais. Elle n'est pas sortie d'ailleurs, mais... Après, on a toujours peur de passer à côté de quelque chose, donc on a toujours tendance à... Ah bah là, c'est du complet, hein. Par contre, c'est voilà. Complet, hein. Après... Voilà, donc forcément, ouais. Bah, si tu veux vraiment avoir quelque chose où tu as tout vu, bah, il faut mettre le temps, il n'y a pas de secret. On a aussi envie que les personnes qui nous regardent, quand elles ont vu la vidéo, elles n'aient pas l'impression qu'on ait juste survolé le jeu et qu'on s'en passe à un autre derrière, tu vois. Ouais, on ne fait pas genre du contenu, genre bon, voilà, on a reçu ce jeu-là, on va le lire pour faire plaisir à l'éditeur, et puis après on passe à un autre. Tu ouvres 3-4 pages, tu dis, ah bah regardez, oh, il est beau ce jeu, top, et alors, un autre. Vraiment, les gens, ils sortent de nos vidéos, j'espère en tout cas, en ayant une idée claire de ce que c'est, de quoi ça parle, à quoi on joue, comment ça se joue, et est-ce que c'est fait pour eux ou pas. Voilà, on veut vraiment que nos vidéos, ça serve aussi à ce que les gens se disent, ce jeu est fait pour moi ou il n'est pas fait pour moi. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de faire acheter un jeu à quelqu'un parce qu'il a aimé ta vidéo, mais derrière, il n'aime pas le jeu, tu vois. Je pense que là, il y a une perte de confiance totale de la part des gens derrière. Et c'est pas le but. On ne veut pas que les gens nous fassent plus confiance, tu vois, quand ils nous regardent. Après, faut aussi penser que quand on fait une vidéo, on le fait parce qu'on veut produire quelque chose qu'on a déjà dans la tête, qu'on veut produire ce qu'on a envie de faire. On le fait pas pour attirer des vues ou pour plaire à une certaine catégorie de personnes ou quoi. Nous, on fait voilà ce qui nous intéresse à nous. Ça plaît, bah, c'est formidable. Ça plaît pas, bah, c'est pas grave. On peut pas plaire à tout le monde, mais notre but c'est ça. S'il faut faire des trucs à vue, bah, on va se lancer du Donjons et Dragons, par exemple. Oui, bah ça. Par exemple. Si jamais Manitou voulait qu'on fasse des vues, il m'aurait jamais autorisé à sortir. Ah, c'est sûr que c'est pas avec Power Ranger qu'on va percer. Hein. Ça, moi, c'est surtout la sécurité émotionnelle et X-Car du compagnie. Ah, oui, non, ça c'est. Le genre de vidéo que tu sors. C'est des vidéos toujours un petit peu. Bon... compliqué, ouais, mais on va dire. Oui, voilà, mais c'est pas parce que c'est compliqué et que c'est mal reçu par certains et que ça fait baisser les abos, machin, qu'on n'a pas envie de le sortir, qu'on s'interdit, qu'on censure, en fait. Surtout, oui, parce qu'il faut savoir, hein, pour enfoncer le clou dans ce thème-là, c'est que... comment dire ça ? Moi, la sécurité émotionnelle, tout ce que Max, enfin, tout ce que Kiefer a présenté ou quoi, j'y adhère pas plus que ça. Mais ça me dérange pas, parce que bah, je trouve que c'est bien que ce soit mis en place, que les gens qui ont envie ou besoin de l'utiliser puissent avoir ces outils. Personnellement, ça me correspond pas, donc je les utilise pas, mais elles ont le mérite d'exister, et je trouve que c'est le bon message à faire passer. Ouais, ça existe, c'est là, vous utilisez tant mieux, vous utilisez pas tant pis, mais il y a aucune raison de cracher sur un outil qui peut aider certaines personnes. Voilà. Ça c'est bien, c'est que voilà, c'est pas la sensibilité de Manitou, mais il m'a jamais à aucun moment dit... Ah non, sors pas ça, les gens ils vont nous insulter dans les commentaires et tout, ce qui est arrivé d'ailleurs. Mais tu vois, il m'a jamais empêché de le faire parce qu'il sait que c'est ma sensibilité à moi et que j'ai besoin, j'ai envie d'en parler publiquement. Pas dans le sens où j'ai envie de me raconter ma vie, mais c'est un sujet qui, pour moi, mérite d'être sur une plateforme comme YouTube pour des personnes qui, peut-être, grâce à ça, vont pouvoir faire du JDR. Parce que c'est le truc qui leur manquait pour se lancer. Ouais. Voilà. Non, mais après, je trouve que bah, c'est très bien. En même temps, je pense que bon, les chaînes côtoient entre nous, voilà, on est un peu tous dans la même ligne parce que on sait que c'est quelque chose qu'on fait pour le plaisir de le faire. Donc, si après tu commences à faire des choses qui sont que c'est plus un boulet pour toi parce que il faut le faire et que c'est comme ça qu'il faut faire, ça devient chiant à faire. Tu prends plus de plaisir à faire tes vidéos et donc faut pas que ce soit pesant. Si t'as envie de faire ça, tu fais ça. Si t'as pas envie, bah tu fais pas. Et puis c'est toi en fait. Ça vous correspond à vous en fait. C'est ça. Et t'as toujours un moment quand même, quand on a un petit peu d'ambition, tu vois, quand tu essaies de monter, de dire, bon voilà, ça a pris, Die Story ça a pris, il y a beaucoup de monde qui suit, comment on peut développer encore un truc. T'es toujours quand même, des fois, un peu tiraillé entre ce que t'as envie de faire et ce que tu sais que les gens ont envie que tu fasses. Mm. Tu sais que les gens, là, ils ont quand même envie d'un tuto Roll20 ou d'un tuto Foundry, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont abonnés parce que tu faisais des tutos, tu vois. Mais toi, c'est moins ton truc en ce moment. Toi, t'as plutôt envie de faire des news et t'as plutôt envie de faire des retours sur certains jeux, indés par exemple. Tu sais qu'il y a des gens qui te regardent et qui sont hyper fans de Donjons et Dragons, qui t'adoraient que tu fasses une vidéo sur le dernier supplément Donjons et Dragons, mais toi, c'est moins ton truc. Mais c'est tu sais que les gens ont envie de ça. Et c'est une position qui est parfois un peu délicate, parce que des fois, tu te remets en question en disant, bah ouais, en ce moment, ça marche moins bien, les vidéos, mais parce qu'on fait pas forcément sur les gens ont envie à l'instant T. Ah, et puis il y a aussi le problème, c'est que moi, par exemple, j'adore faire plaisir, c'est mon kiff, j'aime bien que les gens soient contents quand je fais un truc et tout. Mais la barrière entre faire plaisir aux gens et puis ton plaisir à toi, si je commence à me forcer, je fais les choses mal, du coup, tu fais un truc mal pour faire plaisir à quelqu'un, c'est pas super, quoi. Ouais. Donc c'est, voilà, c'est pas toujours évident en tant que créateur enfin, d'avoir des idées, des bonnes, et de pallier à ce que t'as envie de montrer, ce que tu peux montrer, la façon dont tu peux le montrer. Donc c'est plaire à tout le monde, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je pense que notre vision pour la chaîne, elle est bonne. C'est on fait ce qui nous plaît, en essayant de satisfaire la plupart des personnes, mais notre but n'est pas de plaire à tout le monde. Voilà, on fait ce qui nous plaît pour les gens que ça peut intéresser. On a un seul goal qui est tombé, alors vous êtes pas prêts. Tu fais une transition parfaite pour la prochaine question, puisque la neuvième, c'est est-ce que vous avez des projets pour l'avenir ? Plein. Eh bien voilà, vas-y. Alors mes projets à court terme, ça va être Interview Actual Play avec une maison d'édition. Donc si tout se passe bien, donc on est en plein dedans, on est en train de chercher des dates et tout ça, donc on est là-dessus. Donc pour le moment, on peut pas trop en dire, mais normalement d'ici fin du mois, donc fin du mois de mars, début avril, vous les aurez vus. D'autres projets, des projets à la con, on va dire, c'est des petits challenges, des petits défis comme ça qu'on va lancer à d'autres chaînes. Justement pour venir avec nous jouer, faire des petits trucs, donc voilà, j'en dis pas plus parce que c'est pas encore au point, mais y a des trucs rigolos à faire, je pense. De mon côté, bah, ça va être de m'essayer au live sur Twitch justement, donc ça va être fait cette semaine, donc deuxième quinzaine de mars. Et puis bah, si vous me voyez quand cette vidéo sort, c'est que ça a pris. Si vous me voyez plus, c'est que c'était trop la loose et que je veux plus. Donc voilà, me concernant en tout cas, je pense que c'est déjà pas mal du tout. Et après, c'est vrai que ça fait quand même de beaux projets là pour l'instant. Oui. Ça a l'air, ça donne envie. On est pressé d'y être. Moi aussi. Et, bah oui. Et toi, qu'as-tu fait ? Voilà. Alors, les projets. Je sais pas si c'est court, moyen ou long terme. J'aimerais que ce soit tout du court ou du moyen, j'en suis pas sûr. Alors, les projets. Chaîne, on va dire, puis entité, enfin, moi, Kaifer, entité sur Internet, on va dire, plus globalement, effectivement, ce serait de continuer de développer le format live qui me plaît énormément et qui accroche vraiment. Parce que bah, trois semaines après le lancement, qu'on est toujours du 17-18 viewers de moyenne, c'est beaucoup. Donc on est très content. Mais continuer de développer le côté live communautaire. C'est-à-dire que. Vraiment continuer qu'on ce soit des discussions, que ce soit des échanges avec les gens sur le chat, et continuer le fait que sur la chaîne, sur cette chaîne Twitch, on va dire, tout ce qui est fait est aussi fait avec et pour le public, notamment les actual plays. On a déjà fait un la semaine dernière d'actual play, mais avec des gens, des viewers, quoi, que j'ai tiré au sort, et j'ai fait une partie avec eux et avec elles. C'est génial, face aux titans, avec des gens du chat, en fait, de la communauté, que je n'avais jamais joué avant, en fait. Et bon, Erwitch, je le connaissais déjà d'avant, mais voilà, avec des personnes que je connaissais vite fait de loin, quoi. Et donc, continuer à faire des choses comme ça, quoi, continuer à faire des parties avec le public, parce que je trouve que YouTube et Twitch, pour l'instant, c'est un peu séparé, il n'y a pas trop d'interaction. Pour moi, ça n'a rien à voir, c'est complètement différent, vraiment. Ça permet de continuer à faire des trucs, enfin, de nous continuer à faire des trucs. très pro, voilà, et très, enfin, plus pro, très pro, hein. Plus professionnel, on va dire, voilà, semi-pro, on va dire. On gagne tellement d'argent avec ça que... Non, voilà, c'est ça, mais... voilà, on va pas non plus avoir la grosse tête, mais dire semi-pro, on va dire, voilà, on va essayer de faire des trucs un peu léchés, sérieux, etc., sur le YouTube, et puis sur le Twitch, des trucs où on pourra faire des trucs avec les gens, on pourra discuter, rigoler, etc. Continuer à développer un peu le côté semi-pro de la chaîne, c'est aussi un objectif pour moi, mais sans se faire submerger. C'est-à-dire essayer d'avoir effectivement de plus en plus, si on peut y arriver, des interviews avec d'autres boîtes ou d'autres auteurs, ou arriver à faire des actual plays voilà, vraiment bien cadrés, vraiment comme on a pu faire sur Mancalonia, hein, par exemple. Ça demande beaucoup de temps, mais voilà, ouais, ça, c'est le genre de truc qu'on aurait bien. De temps, ouais. Ouais, mais ça, c'est une vitrine, je trouve, vraiment incroyable pour la chaîne et aussi un peu pour le jeu de rôle. Donc, continuer à développer ça sans se faire submerger, c'est-à-dire sans commencer à prendre trop de projets et ne pas arriver à les tenir. Parce que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, pour moi, c'était terrible. Pas se noyer, un loisir, voilà, quoi. Hein. Voilà. Non plus que ça devienne une corvée ou une... Oui, ou ne prenne pas trop de place. Faire une promesse à un auteur, oui, vas-y, on va nous ton jeu, on va lire, on va faire une critique, et puis dans 6 mois, quoi. Donc, je l'ai un peu vécu là dernièrement parce que ben, le mois de janvier était un peu compliqué en termes de taf, de boulot. Ça a retardé des jeux que j'avais reçus, offerts quoi, par les éditeurs, des services presse en gros, quoi, qu'on a commencé à recevoir. Et je sentais déjà que, voilà quoi, je les sortais pas aussi vite que j'aurais voulu pour les remercier et leur montrer qu'on était des gens sérieux, tu vois. Et je me dis, voilà, si je vais pas me laisser submerger par ça. Et puis le troisième objectif, ça c'est un peu plus perso, même si c'est aussi un peu public, ça va être de continuer d'écrire et d'enfin sortir mon jeu, enfin mes jeux en général, quoi, mes idées, les développer, quoi. Notamment mon jeu de rôle Power Rangers, la Morphine, ça fait bientôt un an que... Mais voilà, ça serait continuer à avoir du temps, me dégager du temps pour écrire. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de temps pour les parties de jeu de rôle, et depuis que ma campagne de Night en double tap s'est terminée, j'ai découvert ce que c'était d'avoir du temps pour écrire, c'est incroyable. Et j'ai envie que ça continue. Donc j'ai envie de continuer d'écrire et d'enfin sortir mon jeu. Voilà. Mais c'est un sacré paquet de projets quand même. Non mais c'était pas orienté pour les 10 prochaines années ta question. Ah parce que non, là franchement, honnêtement, je pense que de toutes les interviews qui ont été faites sur la chaîne, c'est la plus longue liste de projets qu'on ait eu. Que diriez-vous à vos en gros, plus jeunes, si vous avez, bah là, aujourd'hui, le jeune KFR et le jeune Manitou? Bah moi, je dirais au jeune Manitou, t'inquiète pas, tu vas rencontrer quelqu'un incroyable dans pas longtemps, je lui dirais, si je croisais le jeune Manitou. Ça fait vieil horoscope pourri, tu sais. C'est... Et au jeune KFR, ça dépendra de la période. Par rapport au jeu de rôle, tu veux dire, en général sur la... Ah non, tu peux dire ce que tu veux. Là, toujours à la drogue. Je dis au jeune KFR, il y a un truc, enfin, ce que tu tiens là, tu vas pas le perdre et ça sera même encore plus fort plus tard, quoi. C'est que c'est vrai que moi, j'ai quand même vécu une période où j'étais geek, avant que geek soit bon, tu vois. J'étais vraiment l'archétype du geek, boutonneux, qui allait au CDI, à la récréation, et qui n'avait pas de potes. C'était tout à fait moi. Mais je ne me rendais pas compte à quel point je tenais un truc précieux, en fait, de cette culture-là et de cette passion-là, quoi. Et qu'à quel point, 20 ans plus tard, ça me ferait vivre ma meilleure vie. Aujourd'hui, une vie où j'ai aucun regret et où je m'éclate chaque jour où je me lève. Donc voilà, tu tiens le bon bout et c'est bien parti. C'est peut-être dur maintenant, mais ça vaut le coup. Voilà. Voilà ce que je dirais. Ce que tu vas devenir plus tard. Ça vaut le coup quand même de continuer. Ça vaut le coup. Ouais, bon, alors, par contre, essaye de pas trop abuser sur le chocolat et le... Parce que le mec, t'as vraiment trop abusé. Bah, je dirais ça aussi. Mais n'abandonne pas le sport tantôt. Mange 5 fruits et légumes. Mais... Ouais, voilà. Pas, mec, tu vas regretter. C'est important, tu vas regretter. Ok. Je dirais au jeune Manitou de prendre des actions déjà chez Apple, Netflix et Amazon, parce qu'il y a du blé à se faire et ça permettrait d'enjoliver un petit peu le quotidien, d'aller à fond dans la passion. Sinon, je lui dirais tout simplement de rien changer, en fait, parce que la vie que j'ai actuellement, c'est celle qui me convient, en fait. Donc j'ai un loisir qui me plaît avec des tables et des proches qui sont vraiment cool. Hein, je fais ce qui me plaît quand j'en ai envie, sans pression, sans comment dire, sans timeline. Là, ça fait genre 3 semaines, j'ai rien produit. Bah, personne ne me dit rien parce que ben, en ce moment, j'ai pas le temps, j'ai pas envie non plus et je me force pas. Donc voilà, moi je lui dirais de rien changer parce que ça va aller comme ça en fait, c'est super, tout simplement. C'est bien, là, vous deux, vous êtes un peu sur la même longueur d'onde finalement. Rien changé. Ouais. Ah, rien changé. C'est beau sur moi. Disons que c'est. Ouais, c'est pas du drama là. Hein, c'est voilà, c'est, ouais, c'est de l'émotion. Plus que rien changer, c'est vraiment de se dire que. Voilà, finalement c'était la bonne voie, tu vois. J'avais pas tort. J'étais pas. Voilà, tu vois, c'est. Tu n'avais pas fait fausse route, quoi. C'est ça, j'ai bien fait de m'écouter. Ouais, voilà. Ouais, non, contrairement à ceux qui parlaient sur toi, peut-être plus jeune, t'as bien fait de garder la. Tu vois, c'est, ouais, voilà. Ce sont devenus des jeunes dépravés. Ils s'emmerdent dans leur vie. Mais toi, non. Qui me dit dur, j'ai des nouvelles. Non, ils sont bien sortis dans la vie aussi. Mais oui, c'est pas grave. Mince, quoi, merde. Non, moi, ça, c'est cool. Par contre, c'est que tous les potes que j'avais, les faux potes, en fait, que j'avais quand j'étais gosse. Bah, je suis celui qui s'en suit le mieux sorti. Je ne sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais vous avez compris. Non, on a tout à fait compris ce que tu voulais dire. Et donc, du coup, je suis bien content, en fait. C'est le karma, exactement. Pas, tu me fais jouer à Z. C'est le karma. Tu me faisais chier dans le bus. Bah, en attendant, toi, tu le prends encore, le bus. Voilà. Sur ces informations plutôt intéressantes. on va finir du coup avec cette 11e et dernière question. Du coup, avec tout ça, tout ce qu'on a dit sur le jeu de rôle, sur vous, sur la chaîne et tout, que vous a donc finalement apporté le jeu de rôle ? En tant que personne, en tant que... Plein de choses. Plein de choses, principalement de la confiance, parce que moi je suis à la base super timide. C'est pas que j'aime pas les gens, mais je suis pas à l'aise en société, je suis pas à l'aise quand il y a trop de monde, voilà, c'est des trucs, le regard des autres, voilà, c'est des choses qui peuvent me déranger et tout. Ils ont vachement insisté, là, chez les copains d'iStory au début, pour qu'on mette les caméras, parce que je voulais pas. Au début, jouer en caméra, c'était hors de question. Et en fait, c'est vachement cool, parce que ben, de voir les gens, ça humanise beaucoup. On voit les mimiques, les expressions de visage, donc c'est vachement bien. Du coup, maintenant, on peut plus s'en passer. J'arrive plus à jouer avec des gens si je les vois pas. Donc voilà, dans un premier temps, moi, ça m'a vachement aidé au niveau expression. Ensuite, bah, ça m'a permis de rencontrer pas mal de très chouettes personnes. Donc voilà, des amis super. Des gens avec qui on joue régulièrement, c'est à chaque fois on le dit, mais on a toujours la meilleure table. C'est la meilleure table, c'est la nôtre. C'est ça. Donc Mais nous c'est vrai en fait. Mais nous c'est vrai, c'est ça, c'est la différence. C'est vous les meilleurs en fait. Et même si ça paraît pas, parce que je suis encore très très nul à ce niveau-là, des compétences techniques en informatique que j'avais pas avant, parce qu'à force de devoir chercher sur YouTube, putain comment ça marche Twitter. D'avoir Kiefer quand même qui fait un travail de fond qui est colossal pour m'aider parce que je suis une bille, mais monstrueuse, qui me babysite sur OBS et tout. À force de devoir trifouiller tout ça, bah, ça permet de s'améliorer ou quoi. Le montage, pareil, j'en avais jamais fait. Hein, je savais même pas ce que c'était qu'un logiciel de montage. Et en gros, c'est tu sais pas nager, pouf, allez, démerde-toi. C'était un peu ça, quoi. C'est complètement ça. Donc du coup, ça m'a permis de voir d'autres choses. Et surtout, on a ce fantasme de se dire « Ah putain, j'aimerais bien être youtubeur. » Mais tu vois, le gros youtubeur, est-ce que je pourrais en faire ma vie et tout ça ? Et ce que ça m'a apporté, le JDR, c'est que ça m'a permis pendant le confinement d'essayer. Je suis avec la chaîne, avec Kiefer, on y allait à fond. On s'est dit « Voilà, on veut voir ce que ça peut donner, on peut voir ce que ça... où est-ce qu'on peut aller ?» Et j'ai adoré ce qu'on a fait, et je suis pleinement conscient que c'est pas du tout fait pour moi. Je ne veux pas en faire mon métier, parce que ça va dénaturer le côté loisir. Je n'aime pas le côté très concurrentiel, malgré tout ce qu'on peut en dire, de certaines chaînes YouTube, ou certaines émissions, ou certains formats qu'on peut faire de YouTube, où au final, il y a quand même beaucoup de concurrence, et je n'aime pas ça. C'est pas que j'aime pas la concurrence, c'est que j'aime pas la façon dont c'est perçu. Qu'il faut se dépêcher le plus vite possible de sortir telle vidéo avant un autre, parce que sinon ça veut dire que c'est l'autre qui a pompé sur le premier, ouais, et machin. Voilà, tout cet aspect malsain, je l'aime pas du tout. C'est pour ça aussi qu'on fait ce qu'on aime et ce qu'on veut sur Die Story, pour pas être dans tout ça, quoi. Donc voilà, moi ça m'a apporté tout ça et je suis vraiment bien content, quoi. Tout simplement. C'est pas plus. Oh, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce film. Et toi, KFR ? Alors, pour rebondir sur la confiance, c'est vrai que c'est un point intéressant que tu soulevais. J'ai jamais eu vraiment de problème. Depuis que je suis adulte, on va dire. Voilà. Depuis que je suis adulte, surtout pour voilà, essayer de parler, d'être en public, etc. Dans mon métier. Mais voilà, vous avez remarqué, je parle avec une diction bizarre, je mange des syllabes, bah, parce que je suis bègue. Voilà, vous l'avez entendu à l'instant même. Je suis bègue, en fait, à la base. Alors, je suis bègue léger, j'ai eu pas mal d'orthophonie. Mais c'est jamais facile, quand même, mine de rien, de se dire je vais aller me mettre sur YouTube alors que je suis bègue et qu'on va me faire des remarques. Parce que c'est quelque chose qui me faisait, voilà, qui me faisait peur, vraiment, hein, faisait peur, hein, les remarques sur ma façon de parler, ma diction, etc. Mais je sais pas si c'est avec l'habitude ou les formats où on est deux, où on interview, ça va, tu vois. Les streams, j'ai aucun problème. D'ailleurs, quand je suis prof et que je suis devant mes élèves, j'ai aucun souci, ça va. Bon, je parle vite et tout. Mais par contre, quand je m'enregistre tout seul, je bégaye à mort. C'est là que je me rends compte qu'effectivement, il y a un gros travail où dès que je suis avec quelqu'un comme ça là, je fais beaucoup confiance en fait aux gens, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus détendu et c'est vachement bien et j'aime beaucoup ce sentiment là en fait, de me dire que c'est une voix qui me permet de le JDR est une voix qui me permet de voilà d'être un peu plus moi-même et de pas me stresser par rapport à ça, quoi, par rapport à ce petit handicap, quoi, pour le coup. Bon, sinon, le vrai truc, parce que je rebondissais sur ce que tu disais, c'était pas du tout une de mes réponses, mais le vrai truc que ça m'a apporté, je vais quand même commencer par ça, ça m'a quand même apporté une famille. Au sens propre et figuré. C'est-à-dire que, au sens propre, parce que mon épouse, je l'ai rencontrée sur un forum roleplay. Bah voilà, mon épouse est rôliste, en fait. Et ça fait pas mal d'années que ça dure, on va dire. Et ma famille, aujourd'hui, est construite autour de ça, en fait. Et construite autour de ma découverte du jeu de rôle. Donc, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté un truc de dingue, quoi. Je peux pas rêver mieux, tu vois. Je peux pas. Voilà, c'est, ouais. Là-dessus, c'est parfait. Une famille aussi au sens figuré, parce que dans le sens où aujourd'hui, les personnes avec qui je parle le plus au quotidien, ce sont des rôlistes, en fait. Ce sont les rôlistes de mon cercle proche. C'est les personnes sur son Dalicius. En fait, voilà, et ce sont tous des rôlistes. Ce sont tous des rôlistes que j'ai rencontrés, surtout grâce à la chaîne pour beaucoup. Et pour les plus proches que j'ai, bah, grâce au jeu de rôle, en fait. Que ce soit Manitou, Fred, qui est arrivé grâce à un copain qui est rôliste. Et tout ce petit monde a grossi. Et aujourd'hui, c'est les gens en qui j'ai vraiment confiance et avec qui je m'éclate, en fait. Et c'est les personnes à qui je change le plus aujourd'hui. C'est grâce au jeu de rôle. Dans la vie de tous les jours. Et c'est aussi, j'en ai parlé un tout petit peu avant, mais je pense que c'est une passion qui a rempli quelque chose. Un espèce de... Okay. Ah, attention, j'ai pas encore la psychologie, mais un espèce de vide. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais quoi. Totalement. C'est un truc, quand je l'ai découvert, je me suis dit, mais c'est ça, en fait. Parce que j'ai passé du temps sur Warcraft, sur World of Warcraft, bien sûr, j'étais fan de films, je lisais des bouquins, de jeux vidéo, de jeux de plateau, de jeux de cartes et tout. Mais il y a que le jeu de rôle qui a rempli quelque chose à ce niveau-là, en fait, et qui dure toujours. En fait, ce média, il est incroyable, le jeu de rôle. Ce média, il est incroyable. Il permet de tout faire. C'est le plus beau jeu du monde. C'est le jeu qui les gouverne tous. Non, mais c'est vrai, c'est faire des bêtises. Quand tu mets un petit peu les yeux dedans et les mains dans le cambouis, tu te rends compte que c'est le jeu qui les gouverne tous, en fait. Et ça remplit quelque chose. Même avant d'avoir la chaîne et tout ça, hein, c'est vraiment voilà, la découverte du jeu de rôle, ça remplit quelque chose qui me manquait, on va dire. Et pour terminer, j'ai préparé cette question, là, tout de suite. Le jeu de rôle m'a apporté aussi beaucoup dans mon métier. Parce que ça m'a apporté aussi de la réflexion sur mon métier, et notamment mon métier, ma direction actuelle dans mon métier. C'est à la base, je suis enseignant pour des jeunes, hein, CP, CE1, CE2, classique. Oui. Mais je suis parti dans le handicap. Et le jeu de rôle m'a apporté beaucoup sur la réflexion sur le handicap en fait, et sur l'enseignement des élèves handicapés, parce que je me sers du jeu de rôle dans ma pratique, en fait. Donc c'est un vrai outil, quoi, C'est un outil. D'accord. Ouais, c'est un outil, mais à la fois un outil pour les permettre d'atteindre des objectifs à eux, pour leur permettre de se dévoiler, mais aussi un outil pour les analyser. Et c'est aussi très, très intéressant, le jeu de rôle, la pratique du jeu de rôle, les interactions que ça crée, pour analyser aussi des enfants en situation de handicap, que ce soit mental ou comportemental. Hein, parce que d'accord, tu peux avoir des enfants qui sont totalement, enfin, qui n'ont aucun souci mental, mais qui ont des problèmes de comportement parce que la vie a fait que ils sont arrivés à un moment, enfin, ils sont arrivés à péter des câbles, en fait. Et des fois, tu vois leur vie, tu comprends pourquoi. Mais du coup, voilà, dans les interactions et dans le recul qu'ils ont par rapport à leur personnage, tu apprends beaucoup de choses sur eux, en fait. Et le jeu de rôle m'a apporté ça et pour ça, merci le jeu de rôle, quoi. Merci le jeu de rôle. Bah c'est vraiment, voilà, ça t'a apporté. Je pense que c'est peut-être. Peut-être toi et une autre personne, mais qui ont vraiment. En fait, le JDR et son monde. Enfin, c'est vraiment. Ouais. Bon, tu m'enlèves le JDR demain, c'est pas grave, enfin, dans le sens où, bon, j'ai ma famille, tu vois. Bah ça y est, c'est fait. Toujours au-dessus de tout. Mais tout est interconnecté dans ma vie aujourd'hui au jeu de rôle, en fait, finalement. Des fois, ça peut même saouler un peu, désolé. Désolé à mon épouse. Mais c'est vrai que, voilà, il y a un peu tout qui tourne autour du jeu de rôle, même de serait-ce qu'au jeu que je joue avec ma fille aujourd'hui, qui a 5 ans, et qui, d'elle-même, fait du jeu de rôle, en fait. Elle s'en rend pas compte, mais elle fait du jeu de rôle quand elle joue avec moi. Donc, mais bah, je suis pas saoulé et je suis pas les gens avec non plus. Tu vois, je vais pas imposer aux gens. Bah, dans mon métier, j'ai des collègues. Je leur dis pas, vas-y, fais du jeu de rôle. Il faut que tu fasses ça. C'est trop bien avec tes élèves. Non, je le fais dans mon coin. Et si on me pose la question, j'explique. Mais je vais pas non plus aller convertir des gens dans tous les c'est sens. C'est pas du lobbying, bizarre. Quoi. Tu fais du non, lobbying. Non, bien sûr que non. Y a personne qui sait au boulot que j'ai une chaîne YouTube. Si. Je dis à personne. Non, au boulot. Ah si, j'ai un élève qui m'a trouvé. Si. Si, j'ai un élève qui m'a trouvé, effectivement, oui. Ouais. J'ai un élève qui m'a voilà. trouvé. Incroyable. Ah, bah voilà. Mais, par hasard. Mais voilà. Donc, c'est présent dans ma vie. C'est-à-dire que même aujourd'hui, je ne lis plus de livres. Je lis que du jeu de rôle, de toute façon. Mais c'est d'accord. présent au quotidien dans ma vie. C'est pas des livres. Mais voilà. Et ça nécessite aussi que des fois, je mette un peu des limites là. Notamment ces derniers temps. L'été dernier, j'ai dû mettre un gros stop sur le jeu de rôle parce que ça prenait trop de place dans ma vie, en fait, en général. Et aujourd'hui, même, tu vois, j'essaie de limiter. Maintenant, j'ai fini ma grosse campagne, je disais, je limite, j'ai enlevé une ou deux parties par semaine. Maintenant, je suis à deux parties par semaine, trois maximum, c'est tu vois. Enfin, j'avoue que j'ai mal déjà. Oui, mais par rapport à avant. par rapport à avant, c'était quatre par semaine, plus ah ouais. les montages de vidéos, plus les tournages. C'était oui, c'était énorme. Ah ouais, donc là, donc, c'est vraiment, t'étais à 100% quasiment là-dedans. Ouais. C'est ça, ah, c'est mais ça. C'est une machine. Hein. Moi, des fois, je sais pas comment il fait, parce qu'il joue, il fait ses scénarios, il monte, il tourne des vidéos, et il trouve encore le temps d'écrire son bouquin à côté et de me former sur OBS. Voilà. Donc, non, vraiment, oui, mais à côté, oui, mais du coup, je faisais des choses mal à côté ou pas autant que je le voulais. Donc voilà, maintenant, j'essaie de prendre plus de temps. De toute façon, il y a forcément une balance. Hein, genre, si t'es 100% dans quelque chose là, tu n'es plus là. On revient au fameux pourcentage, mais. Voilà. Ok, bah écoutez, moi j'ai envie de vous remercier pour cette interview. En tout cas, voilà, moi c'est vraiment un plaisir de vous avoir avec moi, d'avoir passé ce moment avec moi pour cette role interview. On va surveiller. Avoir un œil, savoir est-ce que vous avez vraiment fait tout ce que vous avez proposé. surtout, voilà, restez tel que vous êtes, comme vous l'avez dit. C'est bon, important de garder ce qui fait de vous Dice Story. Et j'ai envie de dire, je vous laisse le mot de la fin pour cette role interview. On finira eh bien, sur ce que vous allez nous dire maintenant. Allez-y. Rama non. Merci non. à toi. Ouais. merci à toutes les personnes qui ont eu la curiosité de regarder cette vidéo pour la patience. Quoi, parce que, la patience, ouais. En tout cas, merci beaucoup. Parce que ils savaient très bien qu'ils auraient que de l'interview là-dessus, donc merci. En tout cas, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, qui nous ont soutenus, parce qu'on n'aurait pas fait long feu, je pense, si on n'avait pas eu des petits commentaires gentils quand même de temps en temps. Très honnêtement, parce qu'on a beau dire qu'on fait ça pour nous, au bout il y a des phases où t'es démotivé, t'as pas envie, et c'est des gentilles personnes qui ne gagnent rien à te dire merci, mais qui le font quand même, tu vois, et c'est beaucoup. Déjà, voilà. C'est vrai. Donc merci, bah, pareil, merci à tout le monde, abonnez-vous à Petite Pause JDR parce que c'est cool, oui, quand même. C'est ça. Et puis c'est... parce que ça vous coûte rien à vous, mais nous c'est la seule façon en tant que créateur qu'on a d'être référencé, d'être valorisé. Valorisé. Donc ça vous coûte rien, mais pour nous c'est vachement important, donc ça nous aide. Donc voilà, un grand merci, et puis merci à toi Gossette du coup pour l'invitation, c'était bien cool. Parler de soi, ça fait... C'est toujours cool de parler de soi. C'est bien, hein, parler de soi, finalement. Ouais. Même pas besoin de payer un psy, tu vois. Tu viens ici, c'est bon. Ouais. Et puis, oser, quoi. Allez, oser. Oser. Oser, voilà. C'est comme les petits bouquins, vous savez, genre oser le BDSM, oser les machins. Bah là, oser non, le GDR. Ouais, j'étais pas parti là-bas, mais... Oui, oser d'être MJ, si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie d'être MJ, bah, ne faites pas, vous avez bien raison. Mais oser, voilà, oser faire du narratif. Oser aller. Ah non, non, non, faut pas aller. Non, faut couper là. C'est bon. C'est pas du JDR, ça, c'est. Je me prends en montage. Ouais. Allez, des bisous. Voilà. Ciao tout le monde.